habillée comme elle. Fatimata. Elle habite Yopougon. Fatimata. Elle travaille au plateau. Fatimata. Elle ne roule qu'en taxi. Fatimata. Elle m'a fait tourner la tête. Fatimata. À cause de sa beauté. Fatimata. Elle a un corps Fatimata. Elle a un corps doux doux. Fatimata. Non non non la la la la la la la. Chérie Fatie. Fatimata. Non non non non non non non. Tu m'as déçu Fatimata.